voyageant sur nos chemins, cachés de la vie, dirigeant les âmes au calvaire, au flot cramoisi. Mon âme réglée par la pêche, au dédain dehors, mes soucis sont passés, vie joie éternelle. J'ai désiré le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont passés, je suis dans l'abri. En voyageant ici-bas, je vais en chantant, montant aux âmes le flot du calvaire. Mais non pas les églises, mais le calvaire. Ma foi met fin au temps du péché. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont passés, je suis dans l'abri. J'ai désiré le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont passés, je suis dans l'abri.